au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors d'elle. Sors tous tes poisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors tous tes poisons. Sors tout. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors d'elle. Je commande que tous tes poisons sortent maintenant. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Au nom de Jésus de Nazareth. Prends-le. Amène-la là devant. Non. Amène-la devant. Amène-la. Fais-la passer comme ça. Laisse. Prier. Laissez. Ils vont s'occuper. Doucement. Fais-la passer par ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Restez en prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant c'est parti là maintenant. Nom de Jésus Nazareth. Thank you. nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare.